Écoutez et répétez les phrases. 2. Je voudrais poser une question. 3. Qu'est-ce que ça veut dire? 4. Qu'est-ce que c'est? 5. Ça se prononce comment? 6. Je ne comprends pas. 7. Je n'ai pas bien compris. 8. Vous pouvez expliquer encore une fois, s'il vous plaît? 9. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. 10. Est-ce qu'il y a des devoirs? 11. Je suis désolé. J'ai oublié mes devoirs à la maison. 12. Est-ce que c'est possible d'apporter mon devoir demain? 13. Est-ce que je peux aller aux toilettes? 14. Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? 15. Ça va comme ça? Je ne sais pas. 16. J'ai oublié. 17. Je serai absent demain. 18. Je serai absent la semaine prochaine. 19. J'étais absent la semaine dernière. 20. Merci. 21. Épelé. 22. Écrivez. 23. Écoutez. 24. Répétez. 25. Ne regardez pas le livre. 26. Ouvrez votre livre. 27. Fermez le livre. 28. Attendez. 29. Encore une fois. 30. Peut-on utiliser le dictionnaire? 31. C'est pour quand? 32. Vous pouvez m'aider? 33. Venez ici. 34. Venez au tableau. 35. Et qui est absent? 36. Est-ce qu'il y a un volontaire? 37. Vous avez 10 minutes pour faire le test. 38. C'est fini. 39. Travaillez par groupe de 2 personnes. 40. Faites des groupes de 3 personnes. 41. Demandez à votre voisin. 42. Bonjour. 43. Au revoir. 44. À demain. 45. À la semaine prochaine. 46. Bonnes vacances. 47. Bonne journée. 48. Bonne soirée. 49. Bon anniversaire. 50. Joyeux Noël. 51. Bonne année.